l'amour, mon content toi. Mon désir qui nous dit ensemble, pour me décrire toi, mon la flamme. Oh l'amour, avec toi. Et plus en plus, mon pli à mourir, et ça lui fait mon qui a bâti. Ou en oui ou en non, même si moi n'a raison. Et la trahison pas mon solution. Je t'avais rôde, 4 mon réputation. Soit des hommes, moi n'a pas qu'à bon. Et n'a beaucoup qui t'avais rôde, fait nous diviser. Pour qui fait nous pas t'assiser, nous causer, nous dialoguer. Si de l'envie qu'on la vérité, écoutez ce qui m'a pétillé, tout pour qu'on tout ce qui vrai. Essayez de nous toi moller qui a pour nous errer. Tout fin des rôles devant te liger, mais tu n'as pas dit trouver. Au fin essayez de nous toi moller l'amour, mais en retour. Mais dans tes pensées, ça m'est pas satisfait. Tu sais qui m'a fin fait. Oh l'amour, content en toi. Au désir qui nous dé ensemble, pour me décrire toi moller la flamme. Oh l'amour, avec toi. Et puis en plus m'oublie à mourir. Et ça lui fait moller qui a bâti. Oh l'amour, mon content en toi. Mon désir qui nous dit ensemble. Pour me décrire à toi mon la flamme. Oh l'amour, avec toi. Des jours en jour m'oublie à mourir. Et ça lui fait moller qui a serré. Ça joue là, te connais qui c'est moi qui tiens la raison. Et la jalousie peut manifester, peut redétruire à nous l'amour, mon gâté. Mon content toi avec toute mon sincérité, avec fidélité, voulez qui nous avancer. Arrête, laisse-toi influencer, oh ça va nous mauvais penser pour nous arriver. Au fin, essayez. Toi moller qui a pour nous errer. Tout qui déroule devant te liger, mais tu n'as pas dit d'oublier. Au fin essayer de nous toi moller l'amour, mais en retour. Mais dans tes pensées, ça m'est pas satisfait. Tu sais qui m'a fin fait. Oh l'amour, content en toi. Mon désir qui nous dit ensemble. Pour me décrire toi moller la flamme. Oh l'amour. Et puis en plus m'oublie à mourir. Et ça lui fait moller qui a bâti. Oh l'amour, mon content toi. Mon désir qui nous dit ensemble. Pour me décrire toi mon la flamme. Oh l'amour, avec toi. Des jours en jour m'oublie à mourir. Et ça lui fait moller qui a serré. Oh l'amour, mon content toi. Mon désir qui nous dit ensemble. Décris à toi mon la flamme. Oh l'amour, avec toi. Des plus en plus m'oublie à mourir. Et ça lui fait moller qui a bâti. Oh l'amour, content en toi. Mon désir qui nous dit ensemble. Pour me décrire à toi mon la flamme. Oh l'amour, avec toi. Des jours en jour m'oublie à mourir. Et ça lui fait moller qui a serré.